était une part de ma vie, une part de mes rêves, une part de mes déceptions, une part de mon imagination. J'ai pensé cet album comme un premier, j'ai pensé cet album comme un dernier. Personne pourra mieux vous apprendre qui je suis que moi-même. Personne. Personne pourra m'empêcher de monter sur scène comme sur la première marche d'un podium pour embrasser le ciel. Personne. Car face à chaque feuille blanche, j'ai eu l'impression d'écrire avec un flingue chargé de cartouches d'encre. Je suis venu marquer l'histoire, moi. Je suis venu marquer l'histoire. Comme celle qui évoque les traces de mon épiderme. J'ai donc trouvé la force, loin, loin dans ma mémoire. Lorsque j'étais seul à vouloir y croire, c'est là que se cache la clé qui ouvre les portes de mon sanctuaire chaque soir. Et c'est maintenant à vous de la voir, à vous de la comprendre. Ce qui arrive, entendre mes images. C'était un scénariste du hip-hop, Kam Nose et le Globule Noir. Et cette belle façon de vous dire au revoir.